إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 25 dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du livre du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui on va expliquer Babun fi hukmi hudur al-nisa'i ila al-masajid, c'est-à-dire un chapitre au sujet du verdict de lorsque les femmes vont à la mosquée, c'est quoi les règles qui ont rapport à cette chose-là. Donc le cheikh il dit inna dinana kamilun wa shamilun limasalihina fid dunya wal akhirah ja'a bil khair lil muslimina rijalan wa nisaan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. Donc le cheikh ici il explique et il dit que notre religion elle est complète et parfaite et elle est complète et parfaite pour tous les intérêts et les choses dont on a besoin dans cette vie et dans l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené cette religion avec tout ce qu'il y a de bien pour les musulmans, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et il mentionne un verset dans le Coran, c'est le verset 97 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui fait du bien, que ce soit un homme ou une femme, alors et que ce soit un homme ou une femme et qui est, alors qu'il est croyant, nous allons lui faire vivre une bonne vie et on va lui donner en récompense on va leur donner leur récompense par rapport au bien qu'ils faisaient dans cette vie. Et après le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est occupé des affaires de la femme et il a mis la femme dans une position de noblesse et de respect. Donc si la femme elle s'accroche et elle tient fermement à la guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle prend tous les mérites et les biens qui existent dans cette religion, eh bien elle sera toujours respectée et honorée. Après le cheikh il dit ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والالتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. Le cheikh il dit et parmi les règles dont on a parlé, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à la femme d'assister aux prières dans les mosquées, et donc d'assister et de participer avec les musulmans dans tout ce qui a rapport avec le bien, comme par exemple les prières en groupe ou le fait d'assister à des réunions pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour étudier l'islam, et bien entendu tout ça avec les règles de la modestie et de la timidité islamique, et tout en respectant bien entendu des règles préventives qui ont été établies pour éloigner l'homme et la femme, et en particulier la femme, de la fitna, et pour la préserver son honneur. Donc le cheikh il continue en disant: فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء وكذلك المشي إلى المسجد. Donc le cheikh il dit, lorsque la femme demande la permission d'aller à la mosquée, il est détestable et déconseillé de l'interdire ou de l'empêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih qui est apporté par Ahmad et Abu Daoud, il dit: n'empêchez pas les femmes, les servantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller dans les mosquées d'Allah, et qu'elles sortent tafilat, c'est-à-dire qu'elles sortent sans parfum et sans avoir mis de bonnes odeurs sur elles pour attirer les hommes. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَدَى الْمَكْتُوبَ. Parce que de prier les prières obligatoires en groupe, il y a dans ça un grand mérite pour les hommes et pour les femmes. Et de même qu'il y a un mérite du fait de marcher vers la mosquée. On a déjà fait un cours à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il continue et il dit: وفي الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. C'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ça dit: lorsque vos femmes vous demande la permission durant la nuit d'aller à la mosquée, c'est-à-dire pour faire la salatul isha, alors permettez-leur d'y aller. Alors le cheikh il dit: wa wajhu kawniha tasta'zinu az-zawj fi dhalika li'anna mulazamat al-bayt haqqun liz-zawj wa khurujuha lil-masjid fi tilka al-hal mubah. فلا تترك الواجب لأجل مباح فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه وقوله صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن أي خير لهن من الصلاة في المساجد وذلك لأمن الفتنة وبملازمتهن البيوت. Le cheikh ici il explique un point et il dit que pourquoi elle doit demander à son mari la permission de sortir à la mosquée, parce que l'homme a un droit que sa femme reste à la maison. C'est un des droits de l'homme que sa femme demeure à la maison. Et lorsqu'elle sort pour aller à la mosquée, c'est quelque chose qui est permis pour elle. Mais toutefois, une chose qui est obligatoire, c'est-à-dire le fait qu'elle reste à la maison et qu'elle respecte et qu'elle donne à son mari son droit, ça c'est quelque chose d'obligatoire, tandis que de sortir, ce n'est pas obligatoire. Sortir pour aller à la mosquée, pour elle, ce n'est pas obligatoire. Donc, quand il y a une chose obligatoire qui est en opposition avec quelque chose qui est uniquement recommandé, c'est bien entendu la chose obligatoire qui a un dessus sur qu'est-ce qui est recommandé. Et dans ce sens-là, ici, lorsque l'homme permet à sa femme de sortir, aller à la mosquée, il laisse tomber un de ses droits sur sa femme. Alors, c'est pour cette raison-là qu'elle doit demander la permission à son mari. Et yani, la femme en général, elle ne peut pas sortir de sa maison excepté avec la permission de son mari. Si son mari dit, lui demande de rester, elle doit rester. Elle ne peut pas sortir sans sa permission. Et le cheikh il dit ensuite, non, le cheikh lui dit ensuite, وقوله صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم a clairement expliqué, et ça c'est un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ici c'est pas expliqué, c'est pas, j'ai pas vérifié l'authenticité. Toutefois, il y a des versets dans le Coran et même d'autres hadiths qui prouvent cette citation là. Donc je sais que la signification, il n'y a pas de doute qu'il y a des preuves qui supportent ce hadith là. Ça dit, leur maison est meilleure pour elles. Leurs maisons sont meilleures pour elles. C'est-à-dire, les maisons sont meilleures pour les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, et demeurez dans vos demeures. Et il y a d'autres hadiths également qui prouvent cela. Et on va en mentionner d'autres, inshallah, par la suite. Donc, le cheikh, il commente ce hadith en disant, c'est-à-dire que ces maisons-là sont meilleures pour elles que de prier à la mosquée, parce que lorsqu'elle prie à la mosquée, elle est en sécurité et elle est protégée de la tentation et de la fitna du fait qu'elle reste dans leur maison. Non, bien entendu, yani, ces hadiths-là enragent beaucoup les femmes féministes, parce qu'elles, elles aiment croire que, par exemple, elles ont toutes les droits et les mêmes libertés que les hommes dans l'islam. Alors, pour les femmes féministes, soi-disant musulmanes, eh ben, d'entendre des hadiths comme ça, ça les enrage. Toutefois, pour les mu'minats, les femmes qui ont compris le Coran et la Sunna selon la voie des salafs salih et qui se soumettent à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec soumission et compréhension, alhamdulillah, pour elles, c'est tout à fait clair et elles acceptent tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça leur fasse plaisir, que ce soit en accord avec leurs désirs et leurs passions, ou que ce soit pas en accord avec leurs désirs et leurs passions. Elles essaient de se soumettre et d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire. Ensuite, le cheikh il dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa liyakhrujna tafilat, ay ghayra mutatayyibat. وإنما أمرنا بذلك لأن لا يفتن الرجال بطيبهن ويصرف أنظارهم إليهن فيحصل بذلك الافتتان بهن ويلحق بالطيب ما كان معناه كحسن الملبس وإظهار الحلي فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج وفي صحيح مسلم وغيره أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. نعم, donc le cheikh il dit que les femmes, dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit qu'elles ne sortent pas avec du parfum, hein? Donc qu'elles sortent sans parfum sur elle, c'est-à-dire tafilat, qu'elle sort sans aucun parfum ou aucune chose qui peut leur donner une odeur plaisante. Hein. Et le cheikh il dit que les femmes ont été commandées de faire ça pour justement qu'elles ne soient pas une source de tentation pour les hommes avec leurs bonnes odeurs et leurs parfums et toutes ces choses-là. Et parfois les femmes, elles, disons, comment on pourrait expliquer ça, elles, non pas elles sous-estiment, mais elles limitent, ou bien elles s'imaginent qu'elles ont peu d'effet sur la tentation des hommes. Elles pensent que la question de la tentation des hommes, c'est juste une question secondaire, ou quelque chose qui n'a pas beaucoup d'impact en réalité, et que parfois il y en a parmi les femmes certaines qui s'imaginent que tout ça c'est un peu exagéré, du fait qu'elles s'imaginent que yani, comment ça se fait que les hommes sont pas capables de yani, avoir plus de contrôle sur leurs impulsions ou sur يعني les choses qui leur causent de la tentation. La réalité, c'est que ces femmes-là n'ont pas compris la nature des hommes et la nature des femmes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'homme et le créateur de la femme, il sait parfaitement bien qu'est-ce qui est la cause de tentation pour les hommes et qu'est-ce qui est la cause de la tentation pour les femmes. Et il a établi ces règles justement pour protéger les hommes et pour protéger les femmes également. Hein? Et donc, alhamdoulilah, lorsqu'on voit ces règles-là qui sont bien expliquées et claires, hein, ceux qui pensent que ça c'est de l'exagération, c'est parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. S'ils regardent la réalité de ce qui se passe dans les pays de Kufr, hein, peu importe que ce soit en Orient ou en Occident, tous ceux qui ont dévié de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde leur société et qu'est-ce qui se produit là-dedans, hein, eh bien, on réalise tout de suite la véracité de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'est-ce qu'ils ont expliqué, hein, qu'est-ce qu'Allah a révélé à son messager. Tout ça, c'est des choses qui nous montrent la véracité de ces règles-là et comment elles ont bien été établies et légiférées pour le bien-être de l'humanité et pour protéger de toute tentation. Donc, lorsque la femme sort, hein, eh bien, elle sort, et si elle met du parfum sur elle et qu'elle passe au milieu des hommes, c'est certain que les hommes se tournent vers elle pour la regarder. Hein, une femme qui sent bon, hein, qui passe parmi les hommes, ça crée beaucoup de désirs et de tentations. Et même si les gens font semblant que ça leur fait pas d'effet, parce que c'est ça la réalité, ce qui se passe dans les pays de Kufr et les autres pays où les gens respectent pas les règles de l'islam, ils voient des femmes, ils ont la tentation, mais ils font semblant qu'ils n'ont pas de tentation. Et ils essaient de montrer comme s'ils sont en plein contrôle de toutes leurs sensations et de toutes leurs impulsions, alors qu'en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas autant de contrôle qu'ils prétendent en avoir. Hein? Donc, alhamdulillah, lorsque le chef il dit, lorsque la femme elle passe et elle est parfumée, les hommes se tournent vers elle pour la regarder. Et à cause de ça, il y a beaucoup de fitna. Hein? Et donc, le cheikh il dit que c'est pas uniquement le parfum qui doit être qui est une cause de fitna, mais tout ce qui est dans la même signification que ça. C'est-à-dire s'il y a également des beaux vêtements que la femme porte sur elle-même, ou bien le fait qu'elle exhibe ses bijoux et yani les choses qu'elle porte sur elle, eh ben il n'y a pas de doute que yani ça cause également de la tentation. Donc si la femme porte du parfum ou des choses qui ont une belle odeur, ou bien qu'elle porte des parures sur ses vêtements, ou bien qu'elle exhibe ses charmes, lorsqu'elle sort, elle doit être interdite de sortir. Et il est obligatoire de l'interdire de sortir de chez elle. Hein, c'est-à-dire son mari ne doit pas lui permettre de quitter la maison si elle n'est pas proprement habillée selon les règles de la charia et si également elle porte du parfum. Et il mentionne un hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim, hein, et d'autres, qui dit que toute femme qui a touché à du bukhur, le bukhur c'est quoi? C'est lorsqu'on fait brûler du bois ou quelques encens, hein, des trucs qui ont une belle odeur, lorsqu'on les fait brûler, eh ben on les fait brûler puis on laisse la fumée entrer dans nos vêtements pour que l'odeur du parfum s'imprègne dans nos vêtements. Donc on appelle ça yani le bukhur. Et donc la femme qui a eu du bukhur dans ses vêtements et sur elle ne doit pas venir prier la prière de Isha avec nous. Ok. Donc ça c'est un exemple pour le bukhur, mais ça s'applique à toute autre forme de parfum également. Ensuite, le cheikh il dit de même que وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. Le cheikh il dit que de même que la femme, lorsqu'elle sort pour aller à la mosquée, elle doit s'éloigner des endroits où il y a beaucoup de, d'hommes. Et yani, muzahamat al-rijal, ça veut dire, yani, s'il y a un endroit où il y a, qu'est-ce qu'on appelle zahma, c'est-à-dire il y a comme une sorte de congestion, pas congestion, mais il y a du, disons, beaucoup de trafic, hein, il y a beaucoup d'hommes qui marchent ensemble, eh ben, elles viennent pas se mettre dans la foule, en plein milieu des hommes, hein. Elles s'éloignent de ces endroits, elles s'éloignent de ces endroits où il y a des foules de monde, et en particulier des hommes, pour pas être en train de se mélanger, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même incité, il a dit, yani, alaykunna bihafat al-turuq. Il a dit, passez dans le côté des chemins, sur le bord des chemins, et non pas en plein centre du trottoir ou en plein centre de la voie. Et ça, c'est des règles, des aspects que beaucoup de femmes aujourd'hui prennent pas en considération. On dirait que certaines femmes, quand elles ont commencé à porter un petit foulard, eh bien là, elles s'imaginent que malgré qu'elles ont le foulard, bon, une fois qu'elles ont le foulard, elles peuvent agir et se comporter de n'importe quelle façon qu'elles désirent. Donc on voit certaines de ces femmes qui portent un foulard et qui se mettent à rigoler avec des hommes dans la rue et dans les endroits publics et qui se mélangent normalement dans le métro ou dans les transports publics, ils se collent avec les hommes, ils poussent, elles n'ont pas de gêne, yani, dans ce sens-là, yani, elles ne croient pas que c'est en contradiction avec le comportement islamique. De même qu'elles pourraient même arriver à se mettre à rire à haute voix et parler fort, et yani, elles n'ont pas de réserve, ni de retenue, ni de féminité, ni de timidité, ni de, disons, et toutes les qualités qui fait qu'une femme est une femme. Et ça, c'est quelque chose qui est triste et qui est, c'est devenu comme ça parce que à cause de on essaie de faire changer la nature de la femme actuellement dans les médias, dans la télé, dans les films et tout ça. Et ça a beaucoup d'influence parfois du fait que beaucoup de femmes commencent à prendre des attitudes masculines, hein, et les femmes agissent de façon émasculée et elles pensent que ça c'est correct, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui agissent comme des hommes et il a maudit les hommes qui agissent comme les femmes. La ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mutarajjilati minan nisa, al mutarajjilati minan nisa wa al mukhannithatu minan rijal. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes efféminés qui agissent comme des femmes, qui parlent comme des femmes, qui s'habillent comme des femmes, et il a maudit également les femmes qui s'habillent comme des hommes, qui marchent comme des hommes, qui parlent comme des hommes, qui pensent comme des hommes, hein. Tout ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, et c'est des choses malheureusement qui deviennent de plus en plus communes et qui sont de plus en plus répandues dans le monde et même dans les pays musulmans, Allah al-Musta'an, on remarque ces tendances-là. Naam. Donc ça c'est un des signes, yani, que les gens s'éloignent de plus en plus, malheureusement. Et on demande à Allah de nous ramener à la voie et au droit chemin à ce sujet-là. Donc, la femme ne doit pas rester dans les endroits publics où il y a trop d'hommes et se mélanger et venir serrer les hommes. Non. كما الشيخ يقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إلى أن قال يجب عليه منعهن متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق ومنعهن من حديث الرجال أي تحدث إليهم في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. intaha kalamu. Donc on voit ici des explications que le cheikh a mentionné des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit qu'il est obligatoire pour le responsable, le dirigeant des musulmans d'empêcher la mixité dans les marchés et dans les endroits où les hommes se réunissent, hein. Donc ça c'est quelque chose, hein. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos dirigeants et ceux qui sont au pouvoir dans nos pays musulmans, de les guider à la guidance, yani, de l'islam et du Coran et de la sunna, pour qu'ils appliquent ces explications-là et ces règles de l'islam-là, hein, et qu'ils ne se laissent pas, yani, séduire ou tromper par les propagandes des ennemis de l'islam qui essaient de corrompre nos sociétés. Donc Allah les guide et leur donne la bonne compréhension et la bonne application des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il purifie leur cœur et en même temps qu'il les entoure de bons conseillers, hein, pour que notre umma puisse revenir à la guidance du Coran et de la Sunna. Donc il dit qu'il est responsable, le responsable des musulmans, les dirigeants des musulmans doivent, hein, interdire la mixité, que ce soit dans les marchés, dans les universités, dans les écoles. Il faut que tous les endroits où il y a de la mixité actuellement dans les pays musulmans, il faut que nos dirigeants travaillent, hein, pour arriver dans l'avenir, inshallah, à enlever et éliminer ces éléments de corruption là dans la société, et que les pays deviennent, que les gens, les gouvernements musulmans dans les pays musulmans arrivent à suivre l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui ont fait des universités pour les femmes seulement, hein, et qui ont éliminé la mixité à tous les niveaux d'éducation dans la société, et on a continué dans cette voie-là, hein. Donc alhamdoulilah, ça c'est un bien, et malheureusement dans beaucoup d'autres pays musulmans on voit qu'on est loin de ça, et qu'il y a la mixité à plusieurs niveaux. Parfois c'est juste à l'université, parfois c'est au secondaire. Et ça, c'est un des meilleurs pièges et un des meilleurs plans du shaitan pour amener les jeunes à la fornication et au péché. Si le shaitan devait penser à une ruse pour amener les jeunes à faire la fornication, il n'aurait pas trouvé de ruse et de plan meilleur que la mixité dans les écoles. Yani, subhanallah, ça, c'est une des meilleures façons pour aider et inciter les jeunes à la fornication et à la zina et à toutes les formes de haram. Donc le cheikh il dit donc qu'il est responsable de ça, celui qui est en charge dans les pays musulmans, le dirigeant, il est responsable de ça, et la fitna qui a rapport avec la mixité entre les hommes et les femmes, c'est une grande fitna, une fitna énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai pas laissé après moi une fitna plus grande et plus nuisible pour l'homme que la femme. Donc il faut, hein, ça c'est un hadith qui est rapporté selon Osama ibn Zayd, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith authentique. Et ensuite le cheikh il dit que l'imam ibn al-Qayyim a dit: donc, il est obligatoire pour le dirigeant d'interdire les femmes de sortir de façon embellie, hein, avec des vêtements qui sont à la mode, ou bien qui exhibent des atours, et de les interdire également de porter des vêtements qui vont faire d'elles, qu'elles seront mal couvertes, comme dans la description du hadith kasiyatun ariyat, c'est-à-dire elles sont recouvertes d'un vêtement, mais ces vêtements-là sont pas, ne les couvrent pas correctement, donc c'est comme si elles exhibent de leurs atours, elles sont comme si elles étaient nues, malgré qu'elles ont des vêtements, mais c'est des vêtements qui sont soit par exemple trop légers, et donc on voit à travers, ou bien trop serrés, donc on voit les formes, et donc ça couvre pas le corps correctement. Et ça c'est même si la femme porte un foulard sur ses cheveux, si elle ne respecte pas les conditions du hijab, eh ben, on peut pas appeler ce qu'elle porte, on peut pas l'appeler un hijab. comme le cheikh il dit, il faut les interdire également, hein, le dirigeant doit interdire également que des femmes parlent avec des hommes sur la route, hein, sur les chemins. Donc ça veut dire quand le cheikh il dit que le dirigeant doit faire ça, c'est-à-dire qu'il doit mettre en place une disons un système ou bien sinon des gens qui vont être responsables de veiller à faire appliquer ces règles-là dans la société, hein, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim, il l'a pris de At-Turuq al-Hukmiyya, c'est un des livres de l'imam Ibn al-Qayyim, et ça vient terminer la citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc alhamdoulillah, yani on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos dirigeants, qu'il les ramène au droit chemin et qu'il leur fait comprendre les choses de la bonne façon, et que les koufars cessent d'avoir des influences, hein, sur nos pays pour imposer leurs lois et leurs règles à nos pays, yani, sous prétexte de sinon qu'ils vont nous couper des subventions ou bien qu'ils ne vont pas nous donner d'argent ou d'autres choses. Yani. Qu'Allah nous donne notre risque sans qu'on ait besoin de demander à personne. Amin. Donc le cheikh il dit: فإذا تمسكت المرأة بأداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير وبقاؤها في بيوتها أو في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوتهن خير لهن. Le cheikh il dit que la femme doit s'accrocher aux règles de l'islam et elle doit garder la timidité et elle doit se couvrir comme il faut, par timidité, yani. Hein? Les femmes des salafs, subhanallah, elles étaient tellement timides, elles préféraient peut-être, elles tombaient sans connaissance si on parlait, juste mentionnait l'idée de les dévoiler le visage ou bien les dévoiler quelque chose de leur corps. Yani, pour elles, c'était quelque chose d'impensable de savoir que yani, des hommes allaient pouvoir la regarder. Aujourd'hui, on voit des hommes et on voit des femmes, en particulier des femmes musulmanes, qui sortent de la maison normale, comme si rien n'était, yani, sans aucun voile sur elles. Comme si c'était pas un problème de faire preuve d'impudeur. Yani, donc, on voit que cette guidance et cette caractéristique de pudeur qui fait partie en même temps de la fitra, hein, mais qui est renforcée par l'islam, elle est perdue dans beaucoup d'entre nous, d'entre les hommes et d'entre les femmes parmi les musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut donc réapprendre à posséder comme caractéristique et comme qualité, et qu'il faut surtout faire beaucoup d'efforts pour inculquer à nos enfants depuis un jeune âge, hein. Et la meilleure façon de veiller à ça, c'est d'essayer d'éliminer les causes qui peuvent amener à perdre la pudeur dans le cœur des enfants. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est de ne pas les habituer à voir des choses qui désignent ou qui montrent un manque de pudeur. C'est-à-dire ne pas les laisser regarder des choses à la télévision, et même de ne pas leur laisser du tout regarder la télévision, et même de même pas avoir une télévision. Ça, c'est le préférable, et même c'est qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et en même temps, yani, d'essayer de les éloigner des endroits, si par exemple ils sont dans un endroit où il y a dans la rue des exemples d'impudeur, des gens, des femmes, des hommes qui n'ont pas de pudeur, de les éloigner de ces exemples-là pour pas qu'ils ne soient témoins de ça. Ou bien s'ils vont être témoin de ces choses-là, de bien leur expliquer pourquoi ces choses-là se produisent et de leur expliquer que ça, c'est contraire au Coran et à la Sunna, et que pour nous, les musulmans, on doit se limiter aux règles qui viennent d'Allah pour être sur le droit chemin. Et avec cette éducation-là, Inch'Allah, c'est sûr que nos enfants vont comprendre si on leur explique qu'ils doivent avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout moment et en tout lieu. Hein? Donc le cheikh il dit donc qu'il faut que les femmes abandonnent le fait de, par exemple, mettre du parfum et de montrer leurs atours, et elles doivent également s'éloigner de la mixité avec les hommes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, elles ont pris l'habitude maintenant de se mélanger aux garçons et de parler avec les garçons et de jouer avec les garçons. Hein, et donc, quand des choses comme ça se produisent, bien c'est sûr que les femmes perdent leur féminité, hein, et perdent leur pudeur et leur gêne et leur timidité. Par la suite, c'est permis pour elles de sortir pour aller assister à la prière à la mosquée et pour écouter les rappels qui se donnent dans la mosquée. Toutefois, de rester dans sa maison, c'est meilleur pour elle que de sortir. Et aujourd'hui, Allah musta'an, encore là, on dirait que certaines femmes ne peuvent pas rester à la maison. Il faut qu'elles sortent dehors, il faut qu'elles soient toujours dehors pour voir qu'est-ce qui se passe. On dirait que dehors, c'est comme un grand événement, un grand spectacle, et que il faut tous qu'on sorte pour en faire partie, ou bien pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme c'est à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison, c'est ennuyant. Subhanallah, imaginez les salafs, comment ils vivaient, nos prédécesseurs, nos salafs salih, Aïcha radiallahu anha et les autres femmes, les sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient dans des petites maisons, comparables, sont même pas comparables aux maisons dans lesquelles on vit aujourd'hui. Une pièce, c'est pas une grande maison avec plusieurs grandes pièces, des chambres, des cuisines, tout ça, non. Une petite pièce, carrée, avec rien de confort, rien de facilité, toutes des choses vraiment rudiques et simples. Et puis, ces femmes-là étaient heureuses et satisfaites dans ces situations-là. Et puis, si elles sortaient dehors, c'est pas comme aujourd'hui, que quand tu sors dehors, il y a toutes sortes d'attractions, des centres d'achat, des choses, il y a toutes sortes d'attractions et tout ça, des distractions, non. Il y avait dehors, il y avait quoi? Il y avait le désert, il y avait le sable, il y avait les cailloux, il y avait les roches, les arbres. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui étaient, disons, dans les choses essentielles de la vie, dans les choses vraiment de base de la vie. Ils n'étaient pas distraits par toutes sortes de trucs, cinéma, télévision, toutes sortes d'attractions qui existent aujourd'hui. Donc, nous aujourd'hui, on dirait qu'on n'est pas capable de retourner à nos sources et à redéfinir la signification de nos vies par rapport à qu'est-ce que vivaient nos salafs. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de comprendre la réalité de l'islam. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas qu'on peut pas posséder des belles choses ou des belles maisons et de toutes ces choses-là, mais il faut pas les laisser prendre une importance dans notre cœur et que de dire que si je vis pas comme ça, je veux pas vivre. C'est la seule vie que je veux vivre, c'est cette vie-là, non. Notre attitude vis-à-vis ces choses-là, ça devrait être que d'accord, si je possède ces choses-là, alhamdoulilah, et si demain je les perds, eh ben, alhamdoulilah, ça ne m'enlève rien et ça ne m'ajoute rien. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens-là. Et d'être satisfait de rester dans une maison, de savoir que le paradis des kuffars, c'est dans cette dunya, et que le paradis des mu'minines, c'est dans l'autre vie. Et que cette vie est une prison pour un mu'min, et que c'est un paradis pour le kafir, d'être convaincu de ça. Donc ça demande bien entendu une sorte d'éducation personnelle, en nous-mêmes, et de s'habituer, disons même psychologiquement, à se limiter à ce qui est essentiel pour être capable d'arriver à abandonner ces choses-là. Parce que si, par exemple, certains d'entre nous, on pense dans l'avenir à faire le hijra, bien entendu, si on va dans d'autres pays où il n'y a pas tout le confort qu'on possède dans les pays occidentaux, eh bien, certains d'entre nous seront malheureux et certains d'entre nous ne pourront peut-être même pas supporter plus que quelques mois et ils vont retourner. Donc Allah nous aide. Et après le cheikh il dit, et de rester dans les maisons c'est mieux pour elles, à cause du hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, leurs maisons sont meilleures pour elles. Ensuite le cheikh il dit, وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. Le cheikh il dit, et les musulmans sont tous d'accord que la prière de la femme dans sa maison est meilleure pour elle que sa prière dans la mosquée, parce que c'est plus loin de la fitna, de la tentation, et que en même temps ça penche plus du côté de la sécurité et la paix, et donc ça éloigne tout ce qui a rapport avec le mal. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيبة للخروج فخروجها للمسجد حينئذ حرام ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه. الشيخ يقول donc que si la femme ne respecte pas les règles et les manières de l'islam et qu'elle ne s'éloigne pas de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit, par exemple d'utiliser les parures et de se mettre belle ou bien de mettre du parfum, alors il est interdit pour elle dans ce cas-là de sortir à la mosquée. C'est haram pour elle de sortir à la mosquée dans des cas pareils. Et c'est obligatoire pour son père, ou celui qui est son wali, c'est-à-dire son père, ou son mari, ou celui qui possède l'autorité, si c'est le dirigeant d'un pays, de faire en sorte qu'elle soit interdite de sortir. Et, alhamdulillah, yani, on voit donc que dans plusieurs cas, les femmes sortent pour aller à la mosquée et s'habillent de manière qui sont totalement en désaccord avec les règles du Coran et de la Sunna. Hein? Et on va pas parler, yani, on pourrait parler des ikhwan al-muslimin aujourd'hui qui vont à la mosquée avec des jeans et puis un petit foulard sur la tête, les femmes des ikhwan qui suivent la religion selon leurs désirs et leurs passions, hein? Et donc qui croient que de faire ça c'est correct et que quand la femme fait ça elle ne fait pas une marsia, hein? Et qui met même du rouge à lèvres, parfois même du rouge à lèvres et puis du maquillage, et qui sort à la mosquée et qui croit qu'en faisant ça elle a respecté les règles de l'islam, et qui vont à la mosquée comme ça et dans les conférences islamiques habillées comme ça. Donc a'ouzou billah minash shaytanir rajim, ça il n'y a pas de doute que ça, des femmes comme ça elles ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna, et elles ont fait un grand péché. Ça il n'y a pas de doute qu'elles ont fait quelque chose de haram. Donc, les responsables de ces femmes-là, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont leurs maris? Où est-ce qu'ils sont leurs pères? Est-ce qu'ils n'ont pas de pères? Ou bien est-ce que ces pères-là ont été comme, disons, leurs filles ou leurs femmes ont pris le dessus sur eux? Ils ont perdu leur autorité? Au point où ils ne sont plus capables de se faire écouter et respecter par leurs femmes et par leurs filles? Donc, ça c'est un gros problème. De même qu'il y a aussi le fait que si, bon, dans un pays musulman, le dirigeant a été bien guidé par Allah et qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a fait respecter ses règles, eh bien, il doit appliquer ça comme selon sa capacité, de faire empêcher les femmes de sortir sans se couvrir comme il faut. Il y a beaucoup de tendances, de cette tendance aussi chez les ikhwan actuellement. Ils font une da'wa qui dit que lorsqu'ils parlent même aux non-musulmans ou aux musulmans, ils disent personne n'a le droit de forcer une femme à porter le hijab, c'est son choix personnel, et si elle veut pas le mettre, personne peut la forcer. Ça, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. S'ils essaient de se baser sur le verset « La ikraha fid din » où il n'y a pas de contrainte en religion, et bien là, ils se trompent complètement, parce que ce verset-là parle des kuffars et non pas des musulmans. Hein? Il n'y a pas de contrainte pour de convertir un mécréant et de le forcer à devenir musulman. Mais quelqu'un qui est déjà musulman, qui dit la ilaha illallah, eh bien, il y a pas de, c'est pas une contrainte dans son cas. C'est de lui ordonner ou de lui imposer le respect des règles qu'il a lui-même ou elle-même acceptées. Et donc, dans ce verset-là ne s'applique pas du tout. Et ceux qui ont des doutes là-dessus, ils peuvent juste retourner à n'importe quel tafsir, soit Ibn Kathir, ou Al-Tabari, ou Al-Qurtubi, ou n'importe quel parmi les imams, hein, qui sont bien connus parmi les mufassirines, et ils vont voir que, yani, c'est un fait que ce verset-là ne s'applique pas à ceux qui veulent désobéir à Allah parmi les musulmans. Hein. Au contraire, le professeur Sam a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas le changer avec sa main, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas avec sa langue, alors qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Ça fait partie de Al-Amr bil Ma'ruf, ou Al-Nahi anil Munkar. Tout ça, c'est des principes bien connus dans l'islam. Également, Ad-Dinun Nasiha. Hein, aujourd'hui, tu vois un musulman, tu lui donnes nasiha, il dit, ça te regarde pas, c'est pas de tes affaires, mets-toi de tes affaires. Subhanallah. Si c'est pas de mes affaires, je suis ton frère dans l'islam. Hein, je suis ton frère dans l'islam, je suis ta sœur, si c'est une femme, c'est ta sœur dans l'islam. Comment c'est pas de ses affaires? C'est les affaires de qui alors? Hein, c'est chacun sa vie, on est tous libres, chacun a sa vie personnelle. Ça vient de l'islam, ça, ou bien ça vient des kuffars? Vous avez appris ça dans quel Coran? Le Coran du shaytan ou le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, si c'est dans le Coran d'Allah, ben sachez que c'est pas là-dedans. C'est pas écrit là-dedans, au contraire. Les croyants, ils sont des frères, ils doivent se donner le bon conseil et s'encourager dans le bien. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Hein, encouragez-vous et aidez-vous mutuellement dans le bien et ne vous encouragez pas mutuellement dans le péché et la transgression. Hein. Donc il faut, quand on voit quelqu'un, quelque chose de mal, donner le bon conseil et donner le rappel pour que les gens reviennent au droit chemin et à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut plus que nos sœurs, hein, continuent à aller dans les mosquées comme ça avec des pantalons et avec un petit foulard comme ça, comme si parce qu'on est en France ou parce qu'on est au Canada ou ailleurs, hein. Et puis même si ça continue comme ça, yani, subhanallah, ça va devenir comme quoi, comme des centres de rencontre, nos mosquées. Donc le Cheikh Idoua fi Sahihayn min hadith Aisha radiyallahu anha, لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت أو كما منعت نساء بني إسرائيل. C'est un hadith qui est, en fait c'est une parole de Aïcha radiallahu anha qui est rapportée dans Al-Bukhari et Muslim, et cette citation de Aïcha, elle explique exactement tout ce que je viens juste de dire. Ça dit, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait ce qui est arrivé avec les femmes, hein, il les aurait interdit d'aller aux mosquées comme il l'a interdit aux femmes de Bani Israël. Hein. Maintenant, tu vois aujourd'hui des féministes, yani, qui appellent les femmes à ne pas se voiler islamiquement et qui disent, si la femme est dans une société, hein, il y a même des hommes, hein, des hommes musulmans féministes maintenant. Il dit, si une femme est dans une société, eh ben, la modestie qui est dans cette société-là, c'est ça l'islam. Si dans la société, comme en France par exemple, la modestie c'est de porter un t-shirt avec des jeans, eh ben, si tu t'habilles comme ça, ça y est, t'as respecté la modestie. Il y a un nouvel islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu comment les femmes ont dévié après lui, quand il les aurait interdit, hein, d'aller dans les mosquées, comme les femmes de Bani Israël ont été interdites d'y aller. Donc, ça c'est une preuve claire. Donc, le cheikh dit, فَخُرُوجُ الْمَرْعَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَمُرَاعًا فيه المصلحة واندفاع المفسدة فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. Le cheikh dit donc, lorsqu'on laisse la femme sortir, on doit regarder s'il y a plus de bienfaits ou de méfaits. Et si le méfait ou le mal du fait qu'elle sorte est plus grand que le bien ou que le bienfait, alors on les interdit par la suite de sortir pour aller aux mosquées. Et le cheikh il dit ensuite, فَإِذَا كَانَ هَذَا الشَّأْنُ فِي خُرُوجِهَا لِلْمَسْجِدِ فَخُرُوجُهَا لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ تُرَاعَى فِيهِ الْحِيطَةُ وَالْإِبْتِعَادُ عَنْ مَوْطِنِ الْفِتْنَةِ. Ça, c'est un bon point que le cheikh mentionne en réalité. C'est un qiyas, un très bon qiyas et une analogie très puissante en fait, qui dit que si, ça c'est le cas pour la sortie de la femme lorsqu'elle va à la mosquée, si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, lorsqu'elle sort pour aller ailleurs qu'à la mosquée, c'est encore plus important de faire en sorte qu'elle s'éloigne des endroits de fitna, parce que la mosquée c'est le meilleur endroit au monde, c'est la meilleure place où quelqu'un peut aller, c'est l'endroit où on va pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire la salat, hein. Donc si le fait que lorsqu'elle va dans cet endroit là qui est le meilleur endroit, hein, elle doit s'éloigner de la fitna et de tout ce qui est dangereux pour elle et pour les hommes, eh bien pour lorsqu'elle va ailleurs qu'à la mosquée, comme par exemple lorsqu'elle se dirige vers un centre commercial ou bien vers un autre endroit de ce genre, eh bien elle doit encore faire encore plus preuve de crainte et de piété et d'éloignement de tout ce qui a rapport avec la fitna. Et aujourd'hui les gens malheureusement ils ont l'esprit à l'envers, on dirait que ils veulent toujours faire le contraire de ce que Allah nous demande de faire, hein, c'est une maladie actuellement. Donc pourtant de suivre les règles de l'islam c'est tellement simple et c'est tellement mais les gens suivent leur passion, qu'Allah nous guide et nous aide. Cheikh il dit, وَإِنْ وُجِدَ الْيَوْمَ قَوْمٌ يُنَادُونَ بِخُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِمُزَاوَلَةِ الْأَعْمَالِ الْوَظِيفِيَّةِ كَمَا هُوَ شَأْنُهَا فِي الْغَرْبِ وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكِلَةِ الْغَرْبِ فَإِنَّ هَؤُلَاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. Le cheikh il dit, même si aujourd'hui on trouve des gens qui appellent la femme à partir et aller travailler et à occuper des postes, hein, comme c'est le cas en Occident. Nous on est en Occident actuellement, hein, on est témoin de ça. Comment la femme occidentale est sortie de chez elle et que maintenant elle occupe des postes, hein, et bien c'est rendu comme ça. Maintenant il y a des gens dans les pays musulmans depuis longtemps qui appellent les femmes à sortir de leur maison et à occuper également des postes et à travailler dehors et à se mélanger avec les hommes. Et parfois même de la part de ceux qui sont à des postes importants dans la société et qui sont, disons, responsables de la Oumma. Donc ceux-là, que Allah les guide, que Allah ouvre le cœur de ces dirigeants-là pour leur faire réaliser le danger de ce qu'ils sont en train de faire et la contradiction de ce qu'ils sont en train de faire avec le Coran et la Sunna, hein, et donc que Allah les fasse réaliser, hein, que ce qu'ils font c'est ils sont en train d'appeler leur peuple et leur nation à la perdition et à l'égarement, hein, et qu'il les rende, qu'Allah rende ces dirigeants-là comme les dirigeants de nos salafs, hein, qui suivaient les règles du Coran et de la Sunna, malgré qu'ils faisaient parfois même des péchés, certains d'entre eux, si certains parmi les dirigeants de la Oumma, à travers l'histoire, n'étaient pas toujours des bons musulmans, mais au moins, ils avaient certaines règles de respect et de dignité, hein, qu'ils ne dépassaient jamais et qu'ils ne transgressaient jamais. Hein, alhamdoulilah, combien d'entre vous avez vu par exemple la femme des rois de l'Arabie Saoudite sortir dehors en public ou parler à la télévision ou bien apparaître dans un journal ou dans une télévision? Jamais. Des choses comme ça, ça se faisait pas ni avant et ça va jamais se faire. Maintenant c'est rendu que dans d'autres pays musulmans, les dirigeants montrent leurs femmes au public et sans voile parfois. Donc ça c'est un signe que malheureusement ils ont quitté cette guidance là et ils appellent les peuples à suivre cette mauvaise exemple-là qui vient de l'exemple des Occidentaux. Parce que les peuples musulmans, ils prennent toujours les élites comme un modèle à suivre. Et donc, s'ils donnent un mauvais exemple, alors parfois, ça incite les autres à les suivre dans ces mauvais exemples-là. Et donc, si Allah maintenant on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les ramène au droit chemin pour les faire réaliser la contradiction dans laquelle ils sont, et pour qu'il guide la Ummah vers le droit chemin. Et Allah accepte la repentance de ses serviteurs et il aime quand ses serviteurs reviennent au droit chemin. Et pour qu'il soit la cause de l'honneur et la, yani, le retour de la dignité des musulmans dans tous les pays. Donc, ceux qui appellent à la fitna, que ce soit des organisations, des OGM ou d'autres, yani, qui appellent que les femmes musulmanes sortent, hein, et qu'elles se mélangent avec les hommes et qu'elles commencent à travailler comme les femmes occidentales, ceux-là appellent les femmes à leur malheur et à leur à la perte de leur dignité et de leur honneur, même si ils prétendent qu'ils font du bien, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Il y a beaucoup de gens, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat al-Baqarah, il dit, et lorsque tu leur dis, ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs. Hein? Et certes, non, ce sont eux les gens qui font le façade, ce sont eux les mufsidoun, ce sont eux qui font le désordre. Mais ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça veut dire, ces gens-là sont des gens qui font le désordre sur la terre, mais ils sont inconscients. Après le cheikh il dit فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات وتوترت فيه من واقع مؤلم تأن له مجتمعاتهم وليكن لها فيهم عبرة. فالسعيد من وعظ بغيره. Et naam. Le cheikh il dit ici que ceux qui font ces choses-là, que ce soit des journalistes, parfois c'est des journalistes et des reporters ou des gens qui font des reportages, des trucs comme ça, eh bien le cheikh il dit ces gens-là doivent être arrêtés et ils doivent connaître leurs limites et on doit les empêcher, ça c'est-à-dire les dirigeants doivent faire en sorte qu'on les empêche de parler et d'écrire et d'appeler à cette forme de jahiliya, hein. Et on a comme exemple, on a suffisamment d'exemples, hein, la femme dans les pays occidentaux, quand on regarde sa situation et quand on voit les malheurs dans lesquels et les malédictions dans lesquelles elle est, eh bien on voit que la femme occidentale, elle a perdu sa dignité et son honneur. Hein, et que la famille en Occident n'a plus de poids, n'a plus de valeur, et que tout le monde maudit tout le monde. Le père maudit la fille, et la fille maudit la mère, et la mère maudit le frère, et tout le monde maudit tout le monde. Alors, dans ces sociétés-là, il y a des leçons pour nous, pour pas suivre leur exemple. Hein. Donc, la personne qui est heureuse, c'est la personne qui prend une leçon, yani, des erreurs des autres. Heureux celui qui apprend de l'erreur des autres. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل. Ils n'ont pas d'autres preuves ou arguments pour justifier ce qu'ils appellent, pour justifier leur appel, excepté du fait qu'ils disent que une moitié de la société est, inutile ou est sans travail. Et ça, c'est un des slogans des communistes, bien entendu, parce que pour eux, travailler, c'est leur religion, et travailler, c'est leur Dieu. Et ils s'imaginent que si la femme ne sort pas dehors pour travailler, eh bien, ils s'imaginent qu'elle ne travaille pas. Donc, si elle éduque ses enfants, puis elle s'occupe de son mari, ça, c'est pas un travail honorable, selon eux. C'est mieux qu'elle travaille dans un restaurant à servir des étrangers, hein, et qu'elle se fasse harceler par tous les clients du magasin. Ça, c'est, bien entendu, plus valorisant. Hein, donc, ça, c'est la mentalité des kuffars. Donc, le cheikh dit, « Fahada » وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه في جنب فيه جنبا إلى جنب ونسوا أن أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها خلقتها. Le cheikh il dit, et ils veulent par cela, hein, par cette parole là, ils veulent que la femme se mélange aux hommes et travaille à l'endroit où le travail où l'homme travaille côte à côte. Et ils ont oublié en même temps, ou bien ils ont fait semblant d'oublier, hein, ou ils ont fait semblant d'ignorer le travail énorme que la femme fait dans sa maison lorsqu'elle éduque ses enfants, et quel service elle rend à la société. C'est un énorme service, hein, que personne autre qu'elle ne peut remplir, et qui est en accord avec sa nature et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. وتتمشى مع فطرتها, qui est en accord avec sa fitra. فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها, c'est la femme, c'est elle vers qui son mari retourne pour vers la tranquillité, et la sérénité. وهي الأم والحامل والمرضع, et c'est la mère et c'est la femme qui porte l'enfant, et également c'est elle qui allait. وهي المربية للأولاد, comme les kuffars qui disent, je suis pas une poule pondeuse, ou bien je suis pas une manufacture à faire des bébés. Yani, subhanallah, si c'est pas la femme qui fait les bébés, c'est qui va les faire, hein? Les trucs là, comme ils appellent, les incubateurs artificiels. Yani, subhanallah, ces gens-là, ils sont en train de nous prendre pour des imbéciles, Allah al-musta'an, avec leur slogan là. Et donc, il dit, yani, que c'est la femme qui est l'éducatrice pour les enfants. Et c'est elle qui a cette responsabilité-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec ça. Il l'a créé avec ses capacités de faire ces choses-là. Et l'homme, lui, n'a pas ça. Donc c'est là qu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. Du fait qu'il a créé les hommes et les femmes différemment, c'est parce qu'il y a une sagesse. Il n'a pas créé les hommes différents des femmes, yani, pour que ce soit inutile, cette différence. Il faut qu'il y ait une raison à cette différence-là, et que ça ait également un effet dans le reste des activités qui a rapport au rôle de l'homme et de la femme dans la société. Ça ne peut pas être juste un instrument, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes appareils, hein, dans notre corps, mais ce n'est pas grave, on peut faire la même chose et vivre pareil. Et on fait semblant qu'on est pareil. Et là, ça, c'est qu'est-ce qui détruit en réalité la société actuelle. Donc le cheikh il dit, وَهِيَ قَائِمَةٌ بِعَمَلِ الْبَيْتِ, c'est elle qui se tient et qui fait le travail de la maison. فَلَوْ أَنَّهَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْبَيْتِ وَشَارَكَتْ الرِّجَالِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَنْ ذَا الَّذِي سَيَقُومُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ, comme ceux qui disent qu'on ne veut pas être des poules pondeuses, subhanallah, si ce n'est pas la femme qui fait ça, et si c'est elle qui sort de la maison, et qui vient participer avec les hommes à leur travail, qui va faire les autres travaux, qui va faire l'autre travail, les garderies. Et de plus en plus on voit en même temps des femmes musulmanes qui étudient en garderie et qui étudient pour ouvrir des garderies et des centres pour petite enfance et des trucs comme ça. Donc c'est comme si elles encourageaient ces femmes qui n'ont pas de mari, ou bien qui ont des maris mais qui ont des enfants, et à partir et à aller travailler en même temps. Donc ça en même temps c'est contradictoire avec la guidance de l'islam. إنها ستعطل, إنها ستعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني فماذا يغنيه النصف الباقي سيغتل بنيانه وتتداعى أركانه. Ceux qui prétendent que la moitié de la société ne travaille pas, eh bien, qu'est-ce qui arrive lorsque la femme ne fait plus son rôle dans la société? Eh bien, on perd une autre partie de la société, on perd une autre moitié de la société. Et qui va nous en dispenser, hein? Et qui va nous remplir le rôle de l'autre partie de la société, celui du rôle de la femme, hein? Donc la société entière va perdre ses fondations, et donc tout ce qui est dedans va tomber. Et c'est ça ce qui attend, et c'est ça le sort de la société occidentale, et c'est ça qui les attend bientôt là, dans pas grand temps. Allah seul sait quand est-ce que ça va arriver, mais il reste pas grand temps avant que cette civilisation, soi-disant civilisation occidentale, s'écroule sur elle-même à cause de leurs fondements et de leurs principes débiles et disons même comment je pourrais les décrire, contre la nature humaine. Hein, subhanallah. Le cheikh dit إننا نقول لهؤلاء الدعاة ثوبوا إلى رشدكم توبوا إلى رشدكم ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكانوا دعاة بناء وكونوا دعاة بناء لا تكونوا دعاة هدم. الشيخ dit nous on appelle ces gens là maintenant, on leur demande de revenir à leur droiture et à leur conscience et à leur bon sens et de ne pas remettre ou retourner tous les bienfaits et les grâces d'Allah par leur ingratitude et d'amener leur peuple vers la perdition et d'être des gens qui appellent à la construction et ne pas être des gens qui appellent à la destruction. Maintenant, les koufars, maintenant ici, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, en France, mais ici, ils demandent quoi? Ils demandent la légalisation de la prostitution. Allah al-Musta'an. Après, peut-être, ils vont demander la légalisation du meurtre et du vol et du viol. Ça, c'est juste le début. Donc, le cheikh il dit ensuite Ayyuhatil mar'a al-muslima tamassaki bita'alim dinik wa la taghurrannaki du'at al-mudallilina alladhina yuriduna salba karamataka allati bawwa'aka aw bawwa'aki karamataki التي بوأك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. Cheikh il dit, oh toi la femme musulmane, accroche-toi aux enseignements de ta religion et ne te laisse pas tromper par les slogans des égareurs qui veulent t'enlever ton honneur et qui veulent t'enlever ton honneur que l'islam t'a apporté et que ce n'est rien d'autre que l'islam qui t'a apporté. Et celui qui cherche autre que l'islam, ça c'est le verset 85 dans Surat Ali Imran, et celui qui recherche autre que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne à tous le succès et qu'est-ce qu'il y a de bien dans la dunya et dans l'akhira. D'accord, et alhamdoulilah, donc on va terminer ici aujourd'hui. Donc j'espère qu'il y a eu un bon rappel pour vous aujourd'hui dans toutes les paroles qu'on a lues et qu'on a expliquées. Et bien entendu, il y a plein de choses à dire à ce sujet-là. Et la plupart d'entre ces choses-là, on les connaît déjà. Il ne nous reste qu'à les mettre en application et qu'à vivre en accord avec nos principes. Parce que c'est dans l'application de la connaissance qu'il y a une guidance. Mais si on a des connaissances sans les applications, eh bien notre connaissance, eh bien elle retombera contre nous. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continuera demain avec les règles qui ont rapport avec l'imam. Ahkam ou l'imam, inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.